Je n'ai considéré jusqu'ici que l'homme physique. Tâchons de le regarder maintenant par le côté métaphysique et moral. Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tente à la détruire ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. L'une choisit ou rejette par instinct, et l'autre par un acte de liberté. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous, tant dans l'espèce que dans l'individu. Au lieu qu'un animal ait au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce au bout de 1000 ans ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. L'homme sauvage, livré par la nature au seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui lui manque, peut-être par des facultés capables d'y suppléer d'abord, et de l'élever ensuite fort au-dessus de celle-là, commencera donc par les fonctions purement animales. Apercevoir et sentir sera son premier état, qui lui sera commun avec tous les animaux. Vouloir et ne pas vouloir, désirer et craindre, seront les premières et presque les seules opérations de son âme, jusqu'à ce que de nouvelles circonstances y causent de nouveaux développements. C'est mon unique besoin. Se trouvant si aisément sous sa main, il est si loin du degré de connaissance nécessaire pour désirer d'en acquérir de plus grandes qu'il ne peut avoir ni prévoyance ni curiosité. Les mâles et les femelles s'unissaient fortuitement selon la rencontre, l'occasion et le désir, sans que la parole fût un interprète fort nécessaire des choses qu'ils avaient à se dire. Ils se quittaient avec la même facilité. Il paraît d'abord que les hommes dans cet état, n'ayant entre eux aucune sorte de relation morale ni de devoir connu, ne pouvaient être ni bons ni méchants, et n'avaient ni vice ni vertu, à moins que, prenant ces mots dans un sens physique, on appelle vice dans l'individu les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation et vertu celles qui peuvent y contribuer.